pendant le souper, qui était fin et soigné, avec une bouteille de Bourgogne et des accessoires sur un plateau, le gentleman, après avoir employé les discours les plus persuasifs que la tendresse puisse suggérer pour adoucir mes ennuis, me dit qu'il s'appelait H, frère du comte de L, que mon hôtesse l'avait engagé à me voir et que, m'ayant trouvé extrêmement aimable, il l'avait prié de lui procurer ma connaissance. Qu'en un mot, il s'estimait trop heureux que la chose eût réussi selon ses désirs et qu'il me protestait que je n'aurais jamais sujet de me repentir des complaisances que j'aurais pour lui. Pendant qu'il me parlait ainsi, j'avais mangé 2 ailes de perdrix et bu 3 ou 4 verres de vin. Mais, soit qu'on y eût mêlé quelques drogues, ou que sa vertu restaurative eût naturellement opéré sur mes sens, je me trouvais plus à mon aise, et je commençais à ne plus regarder M. H. avec tant de froideur, quoique tout autre à sa place, dans de semblables circonstances, eût été le même pour moi. Les afflictions ici-bas ont leurs bornes, et ne sauraient être éternelles. Mon cœur, accablé jusqu'alors sous le poids des chagrins, se dilata par degrés et s'ouvrit à un faible rayon de contentement. Je répandis quelques larmes, elles me soulagèrent. Je soupirai. Mes soupirs me rendirent la respiration plus libre. Je pris, sans être gai, un air serein, une contenance plus aisée et moins sérieuse. Monsieur H. était trop expert pour ne pas profiter de cet heureux changement. Il recula adroitement la table, et approchant sa chaise de la mienne, il m'imprima 20 baisers sur la bouche et sur la gorge. Je fis si peu de résistance qu'il crut pouvoir tenter davantage. Le téméraire, en effet, glissant avec dextérité une de ses mains sous mes jupes, juste au-dessus de la jarretière, essaya de regagner le poste qu'il avait surpris peu de temps auparavant. Alors je lui dis d'un ton languissant que je ne me trouvais pas bien, que je le suppliais de me laisser. Comme il vit à merveille qu'il y avait dans ma prière plus de grimaces et de cérémonies que de sincérité, il consentit à en rester là, mais à la condition que je me mettrais au lit sur le champ, ajoutant qu'il sortait pour une demi-heure et qu'il osait espérer qu'à son retour, je serais plus traitable. Quoique je ne répondisse rien, l'air dont je reçus sa proposition lui fit connaître que je ne me croyais plus assez ma maîtresse pour refuser de lui obéir. Un instant après qu'il m'eut quitté, la servante m'apporta un bol en argent plein de ce qu'elle appelait une potion nuptiale. Je l'eus à peine avalée qu'un feu subtil se glissa dans mes veines. Je brûlais. Peu s'en fallait que je ne demandasse un homme, quel qu'il fût. La fille n'était pas encore au bas de l'escalier que M. H. rentra en robe de chambre et en bonnet de nuit, armé de 2 bougies allumées. Il ferma la porte au verrou. Quoique je m'attendisse bien à le revoir, sa rentrée me causa quelque frayeur. Il s'avance sur la pointe du pied, tâche de me rassurer par de douces paroles, et quittant en hâte sa robe, il s'approche du lit, m'enlève en un clin d'œil et me renverse nu sur un tapis placé près du feu. Là, à genoux, il s'occupe quelque temps à parcourir avec un regard avide, une gorge ferme, élastique, et que la jouissance n'avait pas encore altérée. De là, passant à une taille élégante, à une chute de reins merveilleuse. Chaque contour était baisé tour à tour, puis il me fit sentir tout à coup son pouvoir, qui, ressuscitant mes esprits animaux, me contraignit à goûter des plaisirs que mon cœur désavouait. Quelle différence, hélas, de ces plaisirs purement mécaniques à ceux que produit la jouissance d'un amour mutuel, où l'âme, confondue avec les sens, se noie pour ainsi dire dans une mer de volupté. Cependant, M. H. ne cessa de me donner des preuves de sa vigueur qu'à la pointe du jour, où nous nous endormîmes d'un profond sommeil. Vers les 11 heures, Mme Jones nous apporta 2 excellents potages, que son expérience en ces sortes d'affaires lui avait appris à préparer en perfection. M. H., qui s'était aperçu que j'avais changé de couleur à son arrivée, me dit, lorsqu'elle nous eut quittés, que pour me donner une première preuve de son tendre attachement, il voulait me changer de maison et que je n'avais pas à m'impatienter jusqu'à son retour. Il s'habilla et sortit, après m'avoir remis une bourse contenant 22 guinées, en attendant mieux. Dès qu'il fut dehors, je réfléchis sur ma condition actuelle et sentit la conséquence du premier pas que l'on fait dans le chemin du vice. Car mon amour pour Charles ne m'avait jamais paru criminel. Je me regardais comme quelqu'un qui est entraîné par un torrent sans pouvoir regagner le rivage. Le sentiment effroyable de la misère, la gratitude, le profit réel que je trouvais dans cette connaissance avaient en quelque manière interrompu mes chagrins. Et si mon cœur n'eût point été engagé, M. H. l'aurait vraisemblablement possédé tout entier. Mais la place étant occupée, il ne devait la jouissance de mes charmes qu'aux tristes conjectures où le sort m'avait réduite. Il revint à 6 heures me prendre pour me conduire dans un nouveau logis, chez un boutiquier, lequel, par intérêt, était entièrement à la dévotion de M. H. Il lui louait le premier étage, très galamment meublé, pour 2 guinées par semaine, et j'y fus aussitôt installée avec une fille pour me servir. M. H. resta encore toute la soirée avec moi. On nous apporta d'une taverne voisine un souper succulent, et quand nous eûmes mangé, la fille me mit au lit, où je fus bientôt suivie par mon champion, qui, malgré les fatigues de la veille, se piqua, comme il me dit, de faire les honneurs de mon nouvel appartement. Insensiblement, je m'habituai aux bonnes façons de M. H. Et j'avoue que si ses attentions et ses libéralités, soieries, dentelles, boucles d'oreilles, colliers de perles, montres en or, etc., ne m'inspirèrent point d'amour, au moins me forcèrent-elles à lui vouer une véritable estime et l'amitié la plus reconnaissante. Dans la catégorie des filles entretenues. Je me vis alors dans la catégorie des filles entretenues, bien logées, de bons appointements, et nippées comme une princesse. Néanmoins, le souvenir de Charles, me causant quelquefois des accès de mélancolie, mon bienfaiteur, pour m'amuser, donnait fréquemment de petits soupers chez moi à ses amis et à leurs maîtresses. Je fus ainsi lancé dans un cercle de connaissances qui me débarrassa bientôt de ce que mon éducation de villageoise m'avait laissé de pudeur et de modestie. Nous nous rendions les unes chez les autres et singions, dans ces visites de cérémonie, les femmes de qualité qui ne savent comment gaspiller leur temps. Quoique parmi ces femmes entretenues, et j'en connaissais un bon nombre, sans compter quelques estimables matrones qui vivaient de leurs relations avec elles, j'en connus à peine une seule qui ne détesta parfaitement son entreteneur et naturellement eut le moindre scrupule de lui être infidèle si elle le pouvait, sans risque. Je n'avais encore, quant à moi, aucune idée de faire du tort au mien. Il y avait déjà 6 mois que nous vivions tous deux du meilleur accord du monde. Lorsqu'un jour, revenant de faire une visite, j'entendis quelques rumeurs dans ma chambre. J'eus la curiosité de regarder à travers le trou de la serrure. Le premier objet qui me frappa fut M. H., chiffonnant ma servante Anna, qui se défendait d'une manière aussi gauche que faible, et criait si bas qu'à peine pouvais-je l'entendre. « Fuis donc, monsieur, cela convient-il ? De grâce, ne me tourmentez point. Une pauvre fille comme moi n'est point faite pour vous. Seigneur, si ma maîtresse allait venir... Non, en vérité, je ne le souffrirai pas. Au moins, je vous avertis, je m'en vais crier. » Ce qui pourtant n'empêcha point qu'elle se laissa tomber sur le lit de repos, et mon homme ayant levé ses cotillons, elle crut inutile de faire une plus longue résistance. Il monta dessus. Et je jugeai à ses mouvements nonchalants qu'il se trouvait logé plus à l'aise qu'il ne s'en était flatté. Cette belle opération finie, M. H. lui donna quelques monnaies et la congédia. Si j'avais été amoureuse, j'aurais certainement interrompu la scène et tapagé. Mais mon cœur n'y prenant aucun intérêt, quoique ma vanité en souffrît, j'eus assez de sang-froid pour me contenir et tout voir jusqu'à la conclusion. Je descendis 5 ou 6 degrés sur la pointe du pied et remontai à grand bruit, comme si j'arrivais à l'instant même. J'entrai dans la salle, où je trouvai mon fidèle berger se promenant en sifflant, d'un air aussi flegmatique que s'il ne s'était rien passé. J'affectai d'abord un air si serein et si gai que l'hypocrite fut ma dupe, en croyant que j'étais la sienne. La grosse récréation qu'il venait de prendre l'avait sans doute fatigué, car il prétexta quelques affaires pour n'être pas obligé de coucher avec moi cette nuit-là, et sortit incontinent après. À l'égard de ma servante, mon intention n'étant pas de l'associer à mes travaux, au premier sujet de mécontentement qu'elle me donna, je la mis à la porte. Cependant, mon amour-propre, ne pouvant digérer l'affront que M. H. m'avait fait, je résolus de m'en venger de la même façon. Je ne tardai pas longtemps. Il avait pris depuis environ 15 jours à son service le fils d'un de ses fermiers. C'était un jeune garçon de 18 à 19 ans, d'une physionomie fraîche et appétissante, vigoureux et bien fait. Son maître l'avait créé le messager de nos correspondances. Je m'étais aperçu qu'à travers son respect et sa timide innocence, le tempérament perçait. Ses yeux naturellement lascifs, enflammés par une passion dont il ignorait le principe, parlaient en sa faveur le plus éloquemment du monde, sans qu'il s'en doutât. Pour exécuter mon dessein, je le faisais entrer lorsque j'étais encore au lit ou lorsque j'en sortais, lui laissant voir, comme par mégarde, tantôt ma gorge nue, tantôt la tournure de la jambe, quelquefois un peu de ma jambe, en mettant mes jarretières. En un mot, je l'apprivoisais petit à petit par des familiarités. « Eh bien, mon garçon, lui demandai-je, as-tu une maîtresse? Est-elle plus jolie que moi? Sentirais-tu de l'amour pour une femme qui me ressemblerait ?» Et ainsi, du reste. Le pauvre enfant répondait d'un ton niais et honnête, selon mes désirs. Quand je crus l'avoir assez bien préparé, un jour qu'il venait, à son ordinaire, je lui dis de fermer la porte en dedans. J'étais alors couchée sur le théâtre des plaisirs de M. H. et de ma servante, dans un déshabillé fait pour inspirer des tentations à un anachorète. Pas de corset, pas de cerceau. J'appelais le jeune gars, et le tirant près de moi par sa manche, je le contemplais. Il était d'une santé brillante. Sa chevelure, d'un noir brillant, se jouait sur ses tempes en boucles naturelles et se resserrait par derrière dans un nœud élégant. Sa culotte de peau de bouc, parfaitement collante, laissez voir le galbe d'une cuisse dodue et bien tournée, des bas blancs, une livrée garnie de dentelles, des nœuds d'épaule, tout cela complétait le coquet personnage. Je lui donnais, pour le rassurer, 2 ou 3 petits coups sous le menton et lui demandais s'il avait peur des dames. En même temps, je me saisis d'une de ses mains, que je serrais contre mes seins, qui tressaillaient et s'élevaient comme s'ils eussent recherché ses attouchements. Ils étaient maintenant bien remplis et fermes, mon cher. Bientôt, tous les feux de la nature étincelèrent dans ses yeux. Ses joues s'enluminèrent du plus beau vermillon. La joie, le ravissement et la pudeur le rendirent muet. Mais la vivacité de ses regards, son émotion, parlèrent assez pour m'apprendre que je n'avais pas perdu mon étalage. Mes lèvres, que je lui présentais de façon qu'il ne put éviter de les baiser, le fascinèrent, l'enflammèrent et l'enhardirent. Alors, portant mes yeux sur la partie essentielle de son costume, j'y remarquai très distinctement de la turgescence et de l'émoi. Et comme j'étais trop avancée pour m'arrêter en si beau chemin, comme d'ailleurs il m'était impossible de me contenir davantage ou d'attendre qu'il eût surmonté sa modestie de jeune fille, c'était réellement le mot, je fis semblant de jouer avec ses boutons, que la force active de l'intérieur était sur le point de faire sauter. Ceux de la ceinture et du pont lâchèrent facilement prise. Et le voici à l'air. Non pas une babiole d'enfant, ni le membre commun d'un homme, mais un engin d'une si énorme taille qu'on l'aurait pris pour celui d'un jeune géant. Ce prodigieux meuble me fit frissonner à la fois de frayeur et de plaisir. Ce qu'il y avait de surprenant, c'est que le propriétaire d'un si noble joyau ne savait pas la manière de s'en servir. Tellement que c'était mon affaire de le guider, au cas que j'eusse assez de courage pour en risquer l'épreuve. Mais il n'y avait plus à reculer. Le jeune gars, transporté hors de lui-même, s'aventura, par instinct naturel, à me caresser. Et lisant dans mes yeux le pardon de son audace, il gagna au hasard le centre inconnu de ses désirs. Je ne l'eus pas plutôt senti que ma crainte s'évanouit, et je lui laissai le champ libre. Alors la chasse fut découverte. Il s'est mis sur moi. Je me plaçai le plus avantageusement qu'il me fut possible pour le recevoir. Mais Borgne, son cyclope, se dirigeait seul, frappant toujours à faux. Je le conduisis dextrement et lui donnai la première leçon de plaisir. Cependant, quoiqu'un tel monstre ne fût pas fait pour un logis aussi modeste, je parvins à en loger la tête et mon écolier, en s'efforçant à propos, en fit entrer quelques pouces de plus. Je sentis aussitôt un mélange de plaisir et de douleur indéfinissable. Je tremblais à la fois qu'il ne me tuât, en allant plus avant ou en se retirant, ne pouvant le souffrir ni dedans, ni dehors. Quoi qu'il en soit, il poursuivit avec tant de raideur et de rapidité que je poussai un cri. Ce fut assez pour arrêter ce timide et respectueux enfant. Il se retira, également pénétré du regret de m'avoir fait mal et d'être contraint de déloger d'une place dont la douce chaleur lui avait donné l'avant-goût d'un plaisir qu'il mourait d'envie de satisfaire. Je n'étais pourtant pas trop contente qu'il m'eût tant ménagé et que mon indiscrétion lui fût quitter prise. Je le caressai pour l'encourager à la charge et me mis en posture de le recevoir encore à tout événement. Il l'insinua de nouveau, ayant l'intention de modérer ses coups. Petit à petit, l'entrée s'élargit, se prêta et le reçut à moitié. Mais tandis qu'il tâchait de passer outre, la crise le surprit. Et malheureusement pour moi, la douleur aiguë que je souffrais m'empêcha de l'attendre. Je craignis avec raison qu'il ne se retirât. Grâce à ma bonne fortune, cela n'arriva point. L'aimable jeune homme, plein de santé et regorgeant de sucre, fit une courte pause, après quoi il se mit à piquer de rechef. Alors, favorisé par mes mouvements adroits, il gagna peu à peu le terrain, et nos deux corps n'en firent qu'un. Les délicieuses, les ravissantes agitations qu'il me causa intérieurement me devinrent insupportables. Je m'aperçus, à sa respiration embarrassée, à ses yeux à demi clos, qu'il approchait du suprême instant. Je me dépêchai d'y arriver avec lui. Nous nous rencontrâmes enfin, et plongés tous deux dans un abîme de joie, nous demeurâmes quelques instants anéantis, sans aucun sentiment, excepté dans ces parties favorites de la nature où nos âmes, notre vie et toutes nos sensations étaient alors entièrement concentrées. La crise étant à peu près passée, le jeune homme retira ce délicieux instrument de sa vengeance, à laquelle je ne songeais plus d'ailleurs, l'idée en ayant été noyée dans le plaisir. Il avait fait autant de ravages que s'il avait triomphé d'une seconde virginité. C'était une scène bien douce pour moi, de voir avec quel transport il me remerciait de l'avoir initié à de si agréables mystères. Il n'avait jamais eu la moindre idée de la marque distinctive de notre sexe. Je devinais bientôt, par l'inquiétude de ses mains qui s'égaraient, qu'il brûlait de connaître comment j'étais faite. Je lui permis tout ce qu'il voulut, ne pouvant rien refuser à ses désirs. Il me leva les jupes et la chemise. Je me plaçai moi-même dans l'attitude la plus favorable pour exposer à ses regards le centre des voluptés et le coup d'œil luxuriant du voisinage. Extasié à la vue d'un spectacle si nouveau pour lui, il n'abusa cependant pas longtemps de ma complaisance. Son phénix étant ressuscité, se percha au centre de la forêt enchantée, qui décore de ses ombrages la région des béatitudes. Je sentis de rechef une émotion si vive qu'il n'y avait que la pluie salutaire dont la nature bienfaisante arrose ces climats favorisés qui put me sauver de l'embrasement. J'étais tellement abattue, fatiguée, énervée après une semblable séance que je n'avais pas la force de remuer. Néanmoins, mon jeune champion, ne faisant pour ainsi dire qu'entrer en goût, n'aurait pas sitôt quitté le champ de bataille si je ne l'eusse averti qu'il fallait battre en retraite. Je l'embrassai tendrement et, lui ayant glissé une guinée dans la main, je le renvoyai avec promesse de le revoir dès que je pourrais, pourvu qu'il fût discret. Étourdi et enivré de ce plaisir bu à si long trait, j'étais encore couché, étendu sur le dos, dans une délicieuse langueur répandue par tous mes membres, m'applaudissant de m'être ainsi vengé sans réserve, d'une façon si absolument conforme à celle dont la prétendue injure m'avait été faite, et sur le lieu même. Je n'avais pas la moindre préoccupation des conséquences, et je ne me faisais pas le moindre reproche d'avoir ainsi débuté dans une profession plus décriée que délaissée. J'aurais cru être ingrate envers le plaisir que j'avais reçu si je m'en étais repentie, et puisque j'avais enjambé la barrière, il me semblait, en plongeant tête baissée dans le torrent, y noyer tout sentiment de honte ou de réflexion. À peine était-il sorti que M. H. arriva. La manière agréable dont je venais d'employer le temps depuis mon lever avait répandu tant d'éclat et de feu sur ma physionomie qu'il me trouva plus belle que jamais. Aussi me fit-il des caresses si pressantes que je tremblais qu'il ne découvrît le mauvais état actuel des choses. Heureusement, j'en fus quitte pour prétexter une migraine. Il donna dans le panneau, et réfrénant malgré lui ses désirs, il sortit, en me recommandant de me tranquilliser. Vers le soir, j'eus le soin de me procurer un bain chaud, composé de fines herbes aromatiques, dans lequel je me lavais et m'égayais si bien que j'en sortis voluptueusement rafraîchi de corps et d'esprit. Je me couchai d'abord et m'endormis jusqu'au lendemain, quoique très en peine du dégât que le furieux champion de mon cher Will pouvait avoir causé. Je m'éveillai avec cette inquiétude et mon premier soin fut un examen sérieux de la partie offensée. Mais quelle fut ma joie lorsque j'eus reconnu que ni le duvet ni l'intérieur même n'offraient aucun vestige des assauts qui s'y étaient donnés la veille, quoique la chaleur naturelle du bain en eût dû élargir les parois. Pleinement convaincu de l'inanité de mes craintes, je n'en fis que rire. Charmé de savoir que je pouvais désormais jouir de l'homme le mieux fourni, je triomphais doublement par la revanche que j'avais prise et par les délices que j'avais éprouvés. L'esprit agréablement occupé par de nouveaux projets de jouissance, je m'étendais mollement sur mon lit. Will, mon cher Will, entra avec un message de la part de son maître, ferma la porte à mon invitation, s'approcha de mon lit, où j'étais dans la situation la plus voluptueuse. Et les yeux remplis de l'ardeur la plus tendre, il baisa mille fois une main que je lui avais abandonnée. Une chose me frappa tout d'abord, c'est que mon jeune mignon s'était paré avec autant de recherche que le permettait sa condition. Ce désir de plaire ne pouvait m'être indifférent, puisque c'était une preuve que je lui plaisais. Et ce dernier point, je vous l'assure, n'était pas au-dessous de mon ambition. Sa chevelure élégamment arrangée, du linge propre, et surtout une bonne figure de campagnard robuste, frais et bien portant, en faisait pour une femme le plus joli morceau du monde à croquer. Et j'aurais tenu pour tout à fait sans goût celle qui aurait dédaigné un pareil régal offert par la nature à une gourmande de plaisir.